Sri Punja. La vérité est. Chapitre 2. Le soi. Première partie. Le soi est ce que vous êtes. Vous êtes cela. Cette insondable profondeur au sein de laquelle apparaissent les expériences et les concepts. Le soi est l'instant qui n'a ni commencement ni fin. Il est le cœur, l'atman, la vacuité. Il brille pour lui-même, par lui-même, en lui-même. Le soi est ce qui donne souffle à la vie. Vous n'avez nul besoin de le chercher. Il est ici. Vous êtes cela à travers quoi vous le cherchez. Vous êtes ce que vous cherchez. Et cela est tout ce qui est. Seul le soi est. Vous n'êtes jamais né. Et bien que seul le désir prenne naissance, rien ne s'est jamais produit, rien n'a jamais existé. Ce néant que vous êtes, voilà la vérité ultime. Vous êtes totalement seul, car seule la beauté existe. Seul le soi existe. Il vous est tout simplement impossible de nier que vous êtes conscience. Vous demeurez dans le lotus du cœur comme la joie dans la félicité. Restez silencieux et vous vous révélerez à vous-même. La connaissance du soi est ce pourquoi il vaut la peine de tout sacrifier, car tout le reste n'est qu'un mirage surgissant de la conscience. Le soi est l'habitant intérieur de tous les êtres, donc l'amour des autres est l'amour du soi, votre soi. Le soi est le plus grand amour et le plus cher de tous les amants. L'amour est l'attraction du soi vers le soi dans le soi. Il n'y a rien d'autre que cet amour, cette source de joie. Voyez votre propre beauté et sachez que vous êtes cet habitant intérieur, cet amour et cette beauté elle-même. Pas ceci, pas cela. Mais ce que vous êtes ne peut être rejeté. Ce n'est que le présent. Éveillé, endormi, ou en train de rêver, c'est toujours le présent qui est. Seul le soi est. Le moment présent est lumière. Il est le soi. Ce moment n'est ni servitude ni liberté. Il est plus précieux que tout concept. Ce moment est l'écran sur lequel tout se projette. Il est toujours immobile et intact, hors du temps. Il n'y a aucune différence entre l'absolu et cette présence. Pour être dans cet instant, abandonnez tous vos désirs, y compris celui d'être en cet instant. Ce qui n'a ni nom ni forme porte des millions de noms. Être, conscience, félicité, existence, atman, vérité, soi, bonheur, beauté, liberté, amour divin, plénitude, vide, vigilance, présence, naturelle, ici et maintenant. Silence, Brahman. Tout comme la langue prononce le mot langue, vous prononcez ces noms. Pour éviter que votre nature ne soit voilée par des idées préconçues, Bouddha a parlé du soi en termes négatifs, tels que non-soi, non-souillé, non-manifesté, invisible, inaccessible, inconnaissable et immaculé. Vous existez avant les notions et les créations. Il n'y a donc pas de mots pour désigner ce qui est au-delà des mots et du langage. Le soi n'a pas besoin de se comprendre lui-même. La liberté précède le concept de liberté. Vous êtes ce qui demeure lorsque les concepts du moi, du mental et de passé disparaissent. Le néant n'est pas un concept. Identifiez-vous à la paix, à la beauté, à l'amour. Ne les expérimentez pas. Dites-vous, je suis inactif. L'activité se déroule en moi. Je suis cela. Je suis l'écran. Je ne viens jamais et je ne pars jamais. Identifiez-vous à la conscience elle-même. Si vous n'oubliez pas qui vous êtes, cette apparente activité est la danse cosmique. Demeurez en tant que je suis et ignorez ce qui arrive et repart. Le sentiment du jeu individuel est mental. Mais l'être n'a pas de frontières. Il est conscient de lui-même. Identifiez-vous à l'être. Lorsque le mental est pur, vous verrez le soi dans tous les êtres. Purifiez le mental en éliminant tous les concepts, en particulier le concept de pureté. Alors le soi, lequel est la conscience, se révèle au mental silencieux. L'ego, l'esprit et toutes les créations surgissent du soi en tant que soi. Même les doutes les plus hideux et les différences les plus marquées surgissent de la belle source qu'est l'être. Dans le soi, il n'y a ni obligation ni interdiction. S'il y a du malheur, vous n'êtes pas malheureux. Vous êtes la conscience intacte de ce malheur. Tout comme les vagues ne sont pas séparées de l'océan, ni les rayons du soleil, vous n'êtes pas séparés de l'existence. Vous êtes le moment dans lequel tout existe. Les Écritures parlent des trois fleuves sacrés intérieurs. Ce sont l'existence, la conscience et la félicité. Étant au-delà de la pensée et de l'effort, ils ne peuvent être ni objectivés ni subjectivés. Ils sont si chers, si proches, derrière la rétine et avant le souffle. Nul besoin de voir cela. Vous êtes cela. Vous n'êtes pas différent de l'existence, de l'être. Voyez l'être partout en ne regardant pas. La vision, c'est l'être, pas les objets vus. La conscience est la mère originelle. Si vous savez cela, elle prendra soin de vous et vous donnera le bonheur, la paix et l'immortalité. Nous ne reconnaissons pas cette mère, ce qui nous plonge dans les problèmes. Cet inconnaissable est votre nature. Retournez à cela, car le connu ne vous apportera ni paix durable, ni amour durable. La félicité est éternelle, même si elle semble surgir lorsque le mental meurt. La félicité n'est pas une expérience, c'est votre nature, c'est le cœur du sage. Ce don interpelle sans cesse chacun d'entre nous. Vous êtes assis dans le cœur de tous les êtres. Telle est la vérité. Votre visage rayonne. Tout comme le roi qui jardine dans son jardin reste le roi et non le jardinier, ainsi le « je suis » peut être dans le jardin du monde et rester le « je suis ». C'est vous qui êtes actif dans toutes les activités du monde. Allez là où la réalité physique du monde prend naissance et vous découvrirez l'immensité, le noyau secret et sacré de votre cœur. C'est ce que vous êtes, mais si vous vous attachez à un objet ou si vous vous imaginez être autre chose, vous l'oublierez à cause de vos désirs et de vos espoirs. Tout est un et l'un est tout. Identifiez-vous au centre commun en abandonnant vos vieilles habitudes de désirs et d'espoirs, et vous serez l'empereur de l'univers. Allez dans cet ici et maintenant, et vous êtes cet ici et maintenant. Tout est le soi. La seule différence entre vous et moi réside dans les mots et les concepts de « vous » et « moi ». Le « soi » en vous est identique au « soi » en moi et en tous les êtres. La source de tout est unique, et c'est le « soi », c'est l'amour et la compassion. À partir du « soi », essayez d'aller n'importe où. Je suis l'océan et toutes les formes visibles sont mes vagues qui dansent sur moi. Voilà la connaissance. Lorsque les vagues se lèvent, l'océan ne perd rien. Et lorsque les vagues retombent, l'océan ne gagne rien. Comme les vagues jouent, ainsi joue l'océan. Je suis l'océan. Je suis l'eau, je suis la vague. Il ne peut y avoir de séparation entre l'eau, l'océan et la vague. Il n'y a pas de différence, pas de perturbation, et personne à perturber. Donner naissance à un moi ou à toute autre pensée, c'est donner naissance à une vague. L'eau reste de l'eau, alors laissez tout être, car c'est votre soi. Comme une rivière se jette dans l'océan, jetez-vous dans ce que vous êtes. Bonheur, félicité, être, cosmos. Ici, il n'y a que la conscience. Ici, il n'y a que le soi. Vous êtes ce qui est présent même dans l'oubli, car vous êtes conscient que vous êtes oublieux. Vous êtes la conscience de la conscience dans les trois états de veille, de rêve et de sommeil. Seul le soi ne disparaît pas dans ces trois états. Le soi est non mental. Le non mental n'a pas de corps. Et de cette beauté du non-mental naissent l'art et l'intuition. « rien ne s'est jamais produit et rien ne se produira jamais. Vous avez toujours été l'amour et la paix parfait. Ce qui change n'est pas réel, et ce qui est réel ne peut pas changer. Vous êtes ce secret, cette pureté au-delà du changement et de la description. Mais si vous touchez le jeu, vous devenez pollué par l'orgueil. Le jeu qui s'élève de l'effort de l'ego n'est pas le vrai jeu. Le vrai jeu, c'est que tout est le reflet de ma projection. Le simple fait de savoir « je suis » et sans effort, c'est la méditation, c'est sa adja, l'état naturel de l'être. Dans chaque grain de poussière, il y a d'innombrables Bouddhas qui brillent dans d'innombrables univers. C'est très difficile à vous expliquer et à vous faire comprendre, mais c'est un fait. Vous pouvez le voir. Tout émerge de l'atome. C'est un mystère que personne ne peut résoudre. C'est la même chose que le moment dont nous parlons habituellement dans le satsang. En lui, vous pouvez voir toutes vos vies. Chacun est intrinsèquement Bouddha.